ensemble. Ils avaient oublié cette urgence du cœur jusqu'au triste moment où l'on les enferma, en les privant alors de chanter tous en chœur, et que de leur voix pure la beauté s'exprima. Ainsi chacun comprit que cette communion lui est un aliment, un besoin, une envie, une façon de vivre heureux dans l'émotion qu'ensemble ils proclamaient aux peuples asservis. À ce moment, ils virent que l'incarcération, loin de les punir tous, rappela cette loi, naturelle et constante, que seul et sans passion, à vivre et partager dans un commun émoi, nul ne sera jamais que le simple embryon de ce qui fait l'humain, sa vertu et sa foi.